Donc Abu Saïd a informé du hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté, la sienne, va imiter, d'accord, celle d'avant eux, les communautés d'avant eux, dans leurs coutumes, dans leur politique, dans leur culte. D'accord ? Ils leur ressembleront en tout. Même dans leur apparence, même dans leur parler, dans leurs mœurs. On va les aller. C'est une chose que ala min dala'il al-nubuwa, parmi les preuves de la prophétie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawm tara hadha bi'an al-yaqin. Tu le vois clairement. Aujourd'hui, les musulmans, illa man rahima rabbi, illa man rahimahu rabbi, ils suivent les koufars dans tout ce qu'ils font. Ils prennent les koufars en modèle dans tout ce qu'ils font. Ils sont devenus l'exemple des musulmans, les koufars. Pourquoi? Laysa li ajli ad-din wa innama hadha li ajli ad-dunya. Quand ils ont vu que les koufars dans la dunya réussissent, d'après eux. Donc celui dont l'objectif principal c'est la dunya, il va prendre celui qui est son exemple pour cela. Comme dans tout, dans tout domaine. Celui qui rentre dans un sport, il va prendre comme modèle les meilleurs sportifs de sa catégorie. Que ce soit le football, que ce soit le basketball, que ce soit les sports, d'accord ? Il va toujours prendre les meilleurs joueurs, comme exemple. Et se baser sur eux. Voilà, dans tous les domaines de la dunya. Celui qui veut devenir un grand architecte prendra exemple sur les grands architectes de cette dunya. Celui qui veut être médecin se référera au plus grand médecin de cette dunya. Donc, celui qui veut l'au-delà, il se référera à qui ? Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, comme on connaît Ta'ala, لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. Vous avez certes un bon exemple en le message d'Allah pour qui espère Allah le jour dernier. Allah, celui qui espère Allah le jour dernier, son exemple c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va faire comme lui autant que possible. Et celui pour qui l'objectif de ce bas monde, ou plutôt son objectif principal, c'est d'obtenir les bienfaits de ce bas monde, il doit regarder qui ? Les koufars. Ou les foussaks parmi les muslimines qui, eux, regardent les koufars. C'est-à-dire, s'il prend un exemple un muslim, il va prendre un exemple un muslim qui, lui, va regarder les koufars. On ne va pas prendre un muslim parce qu'il est moustaqim, parce que c'est un alim. Là. Par exemple, dans le football, il y en a, ils vont dire, ouais, le meilleur joueur, c'est un tel, c'est un muslim. Non, mais ce footballeur-là, c'est qui son exemple ? C'est pas un muslim. Ça va être un Brésilien, ça va être un Argentin, ça va être un... voilà. Et même si on dit que c'est un muslim qui est le meilleur joueur du monde, ce muslim-là aurait pris les koufars comme exemple. Parce qu'à la base, le football, c'est pas un sport qui est inventé par les muslims. Juste, ils ont suivi. Donc c'est pour ça que tu vois que l'amour et la motivation pour atteindre l'au-delà, tu vois à travers les actes de beaucoup de gens. Tu peux le voir à travers son apparence, à travers ses références et à travers ses fréquentations. Tu verras quelles sont ses priorités. On ne dit pas qu'il ne veut pas l'au-delà. Mais on dit qu'il est attaché à autre chose fortement qu'il veut obtenir. Donc pour l'obtenir, il va prendre l'exemple de ceux qui l'ont obtenu. Le musulman, celui qui veut connaître la sunna, et bien comme il faut, il va l'apprendre auprès de ceux qui la connaissent, les ulama. D'accord ? Elle est l'ilm. Comme on a dit l'exemple tout à l'heure, celui qui voulait devenir fort, référentiel dans un domaine, et prendra les gens, d'accord, à qui on se réfère dans ce domaine-là. Donc les musulmans aujourd'hui ressemblent le plus possible aux koufars, car ces koufars ont une part apparente de ce bas monde, c'est tout, apparente. D'accord ? Et cette part de ce bas monde leur sert, malheureusement, qu'à ce qu'on est d'Allah, Azzawajal. Alors que si les musulmans, réellement, prenaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme référence, s'accrochaient au dîn, cette part de ce bas monde, il l'aurait également. Mais en plus, il aurait mieux que les koufars, et en plus, elle rapproche d'Allah, Azzawajal. Tu vois? Ça s'en vient dans le halal, dans ce qui profite à l'islam aux muslimines. Mais non. Tu vois? Il va prendre ce qui vient des koufars, et que même des fois, les koufars l'ont pris des muslimines. Des fois, c'est les koufars, ils ont pris des choses de nous, et le musulman ne sait même pas, il regarde, ah, c'est bien ce qu'ils ont fait, ouais, mais c'est vous qui l'ont pris ça. Plein de choses. Dans des lois qu'on voit actuellement, et tout, dans la politique, plein de choses sont prises de religion, et surtout de l'islam, les musulmans ne savent même pas. Aujourd'hui, tu vois des musulmans, ah ouais, c'est ce que j'allais dire, la mort de la barbe, dit Allahu Akbar. La barbe, à la base, c'est une sunna obligatoire du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allez, urful luha wa kusul shawarib. C'est pousser les barbes et raccourcir les moustaches. Tayyib. Donc, à la base, les musulmans, les barbus. Les gens du livre étaient barbus. Les mushrikoun, les el-Quraysh, les arabes, étaient barbus. Et là-bas, chez les hommes, souvent, avant, c'était barbus. Seulement là où on se distinguait, c'est on taille les moustaches. Sinon, les yahoud, jusqu'aujourd'hui, ils sont barbus. Les autres, là, les celtes, les vikings, c'était barbus. Les gaulois, à l'époque de la Gaule, ils étaient barbus. Les romains, ils se rasaient, je crois. Les romains, ils se rasaient. En tout cas, la barbe est une chose qui fait partie de la vérité de l'homme, de base, depuis longtemps. Les rois, toujours étaient représentés avec des barbes. Les grands penseurs, les grands hommes de l'histoire, étaient barbus. Après, ça fait peut-être, allez, on va dire, peu de temps, la barbe, elle a disparu. Sauf chez des gens particuliers, dont les musulmans, dont les yahouds qui sont restés sur, on va dire, les yahouds qu'ils appellent orthodoxes, et certains hommes qui aussi également ont gardé la barbe. Et les musulmans, après, bien sûr, bah, souvent les koufars, ils commencent à se raser. D'accord ? Raser, tailler la moustache. Quand le bouc, pousser la moustache. Après, c'était la mode des boucs. Ça l'a encore, je pense, un peu. Hop! Allez, on va faire un petit sunna, mais il y a khilaf, on peut sailler la barbe, je fais un bouc. Ouais, ouais. Dès que t'as vu un tel avoir un bouc, ça t'a plu, donc tu mets un bouc. Mais comme t'es un musulman, et qu'on te dit que kaza, tu dis non, non, il y a un khilaf, je suis entre les mazahib, on peut sailler la barbe. Ouais. Il y a quelques temps, tu faisais pas ta barbe. Maintenant, la mode, elle est arrivée, barbe totale, allez hop, il a sa barbe. Tu dis, c'est qui ton exemple à ce moment-là? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est Foulen le footballeur, ou Foulen le chanteur, ou Foulen le combattant? C'est qui? Bila Alek. Tu vois? Tu crois qu'il a une barbe pour l'islam? Là, c'est pas pour l'islam qu'il a une barbe. C'est pour la mode. On dit, ça fait des années, on te dit, laisse ta barbe pour l'islam, la sunna, t'as du ajr. Et t'es plus beau comme ça, là. Il a fallu que tu vois un khabis le faire, pour te mettre à le faire. Tu vois? T'as des femmes, elles se voilent pas, là. Demain, les kafirs, là, tu vas voir la chanteuse Foulen avec un hijab. Là, c'est la mode. Wallah azabillah. Elle dit, oh, trop bien, hijab, question d'or, je vais en mettre un, moi aussi. Pourquoi? Parce que t'as vu Foulen qui a remporté un dans son clip. Ah. Ou sur un défilé de mode. Ah. Mais les sahabiyat, ou l'ordre d'Allah azawajal, ça n'a pas été pris en compte. Il n'y a pas d'âge. C'est pas hertissable. T'as clé des koufars. Même sur l'apparence, tu vois, ah, c'est bien, ouais, c'est bien. Mais ça n'y est, c'est pas obéir à Allah azawajal. Ça n'y est, se ressembler aux gens qui l'aiment. Et ça, c'est une calamité, hein, dit Moussib, hein, au matinat.